Chapitre 2e. Mais nous faisons fausse route. C'est impossible. Impossible. Voilà bien les jeunes gens. Ma parole, c'est à douter de soi-même. En voyant des marmots, de véritables enfants, montrer de pareilles prétentions à l'infaillibilité. Je dis et je répète que nous ne faisons pas fausse route. Et la raison, s'il te plaît, pour la troisième fois, parce que c'est impossible. Et qui te prouve que nous suivons la bonne direction? Qui te fait supposer le contraire? Mon cher, ton procédé de discussion est vieux comme la terre que nous foulons. Tu réponds à une question par une question. Il n'y a plus rien à dire et je préfère engainer mes arguments. Et tu fais bien. Tu te trompes quand tu avances que j'ai des prétentions à l'infaillibilité. Il y a deux choses qui ne peuvent se tromper ni nous tromper. Ce sont d'une part un sextant de première qualité, d'autre part les formules mathématiques. Ah, tu prétends qu'ayant fait le point hier, j'ai pu, grâce aux indications d'un impeccable chronomètre, bien suspendu à la cardance sur l'avant du canot, conclure que nous nous trouvions par 56° 45' de longitude ouest. Bien, après, cette première et indispensable partie de mon expérience, complétée par l'observation du soleil de midi, m'a permis d'affirmer que la latitude était 5° 15' plus une fraction insignifiante que je néglige. Mais nous avons marché depuis ce temps, oh si peu. Nous avons fait dans l'ouest environ 10 km. Comment le sais-tu? Voyons, triple entêté, tu n'ignores pas que je porte, accroché au mollet, une espèce de montre qui, par un mécanisme très ingénieux, indique le nombre de pas faits par un piéton. Ah oui, ton compteur. Laisse-lui son nom de podomètre. Ton podomètre me dit que j'ai fait 13 033 pas. Chacune de mes enjambées étant d'environ 75 cm, j'en conclus que nous sommes à 10 000 mètres dans l'ouest. Tu admets bien que ma boussole ne bat pas la breloque. Alors j'ai la berlue. Pourquoi? Dame, mon cher enfant, je suis tout dépaysé, moi. La direction de l'intérieur nous concède un terrain s'appuyant à l'est au Maroni, longeant au sud les placeurs Armois et Chauvin, à l'ouest le placeur Lalanne, et terminé au nord par la ligne partant des deux fromagers de Mana à la crique Paramaca. Ta mémoire est fidèle, mon ami. Fidèle et exacte comme l'excellente carte de Ludovic Eutrope, le géomètre du gouvernement. Où veux-tu en venir? À te dire que nous ne sommes pas chez nous ici. Comment cela? C'est tout simple. Nous nous attendons à trouver une terre complètement inexplorée avec ses grands arbres, ses criques solitaires, son sol intact, et nous tombons en pleine exploitation. Tu as raison. Nous sommes ici sur un placeur. Ah, j'ai enfin raison. Ma vieille barbe grise l'emporte donc sur ta fringante moustache. Tu as raison, je le répète, mais nous n'en sommes pas moins sur notre terrain. Mais alors ce serait le premier occupant qui n'est pas chez lui. Le fait est d'ailleurs assez commun, mais la jurisprudence coloniale a prévu le cas. En matière de terres aurifères, le vieil adage « possession vaut titre » se trouve ici renversé. C'est le titulaire qui seul est possesseur. Qu'allons-nous faire? Poursuivre nos investigations, voir le ou les propriétaires in partibus du champ d'or, et nous entendre à l'amiable. Sois sans inquiétude, je me charge d'arranger tout cela de façon que chacun se déclare satisfait. Je m'en rapporte pleinement à toi, mon cher enfant, termina le premier interlocuteur. Suivons donc cette crique aux eaux blanches, nous finirons par arriver quelque part. Va, mon bon ami, je te suis. On devine, aux termes affectueux de cette conversation, que le différend qui divisait tout à l'heure les deux compagnons n'a rien d'acrimonieux. C'est à peine une simple discussion, encore moins une dispute. Le plus âgé, nous savons que sa barbe est grise, est un homme de 42 à 44 ans, à l'œil vif, au teint clair. Sa robuste poitrine aspire longuement l'air embrasé de la forêt guyanaise et n'en semble nullement incommodé. La sueur ruisselle sur sa figure, mais il marche avec une rapidité indiquant que les courses à travers bois lui sont familières. Son pantalon de grosse toile bleue disparaît dans une vaste paire de bottes en cuir fauve. Sa veste de chasse est passée dans la bretelle du fusil qu'il porte en bandoulière, et sa main droite étreint le manche en bois d'un sabre d'abattu à lame courte et légèrement recourbée. Sa chemise trempée de sueur qui flotte dégrafée au col est relevée au-dessus du coude, il est coiffé d'un casque blanc. C'est un robuste compagnon, dont la mâle physionomie est empreinte d'une franche cordialité qui aiguise une légère pointe de narquoiserie gauloise. Son accent décèle un blanc de la métropole. L'autre voyageur est un jeune homme de haute taille, à peine âgé de 22 à 23 ans. C'est un blanc, aussi. Une fine moustache brune estompe sa lèvre supérieure. Ses grands yeux noirs ont comme des reflets d'acier bruni. Sa belle tête énergique et régulière respire une audace incroyable, mais la bouche un peu grande, aux dents éblouissantes, que découvre un bon sourire, atténue cette expression produite par l'inquiétante fixité du regard. Son habillement et son équipement indiquent un homme soucieux de l'élégance et du confort. Son casque en feuilles comprimées de millet est recouvert d'une flanelle blanche et d'une incomparable légèreté. Sa chemise de foulard couleur maïs flotte largement autour de sa poitrine. Il est chaussé de brodequins lacés. Sa jambe robuste et élégante est emprisonnée dans une fine molletière lacée sur le côté. Ses culottes de grosse toile écrue défient la morsure des herbes coupantes et la pointe des épines. Un superbe fusil choc-bord, signé Guinard, le dernier mot de l'arquebuserie moderne, est appuyé sur son épaule. Il ne porte pas son sabre à la main. La bonne lame, à poignée composée de rondelles en cuir de bœuf, disparaît dans un fourreau également en cuir, accroché à un ceinturon qui soutient un étui à revolver avec la cartouchière. Il évolue à travers le chaos que présente le champ d'or avec une incroyable agilité. C'est merveille de le voir franchir les tranchées, escalader les troncs renversés, courir sur les mamelons et contourner les chicots debout. En dépit de la course fournie déjà et de la température de serre chaude, il semble aussi frais qu'au départ. 6 hommes accompagnent les 2 blancs. 4 noirs et 2 chinois, tous pesamment chargés de provisions et d'outils de mineurs. Sur un signe du plus âgé, ils s'arrêtent dans la clairière et se mettent en devoir de préparer quelques aliments. Les 2 Européens font quelques pas encore et s'arrêtent frappés de stupeur à l'aspect d'un corps étendu sans mouvement dans une mare de sang. Leur émotion est de courte durée. Obéissant aux prudentes habitudes qui s'acquièrent bien vite en vivant dans les bois, ils arment chacun leur fusil et s'avancent en fouillant du regard l'espace environnant. Rien de suspect ne leur apparaissant, l'aîné se penche sur le corps inerte et inspecte un homme à qui la vie d'aventure a rendu familière certaines pratiques de chirurgie, la blessure béante au-dessous de la clavicule gauche. « Y a-t-il mort ?» demanda son compagnon d'une voix inquiète. « Non, mais il n'en vaut guère mieux. » « Le pauvre homme, » reprit-il avec un accent de profonde commisération. « Nous ne pouvons pas le laisser dans un pareil état, ni dans un tel lieu. Dans quelques minutes, il sera en plein soleil. Il faut tout d'abord le transporter à l'ombre. Ce n'est pas ce grand panacoco décharné qui le garantira de l'insolation. « Tiens !» dit-il, étonné à la vue d'une fleur de Victoria accrochée au tronc du côté opposé, au-dessous d'une tête d'Aymara. « Qu'est-ce que cela signifie ?»« Ma foi, je n'en sais pas plus long que toi. Cet homme assassiné est un blanc. Il porte le costume des mineurs. Si je croyais les Indiens susceptibles d'oser attaquer un homme de notre race, je penserais volontiers que ces singuliers emblèmes sont encore une de leurs diableries. C'est bien possible. » Mais comme le temps nous manque pour vérifier le fait et que le blessé réclame des soins immédiats, allons au plus pressé. Ne serait-il pas urgent de le faire porter à l'habitation qui ne saurait être bien éloignée? J'y songe, en effet. Mais il faudrait auparavant panser cette blessure qui coule toujours, à chaque mouvement respiratoire, quelque faible qu'il soit. Le poumon doit être atteint. Hé, là-bas ! Crie-t-il à ses noirs, 2 hommes de bonne volonté avec un hamac. Il y aura double ration et double paye pour ceux qui conduiront ce blanc à sa case. 2 grands gaillards, aux formes athlétiques, accoururent. « Pas besoin d'argent, pas besoin rien du tout, pour porter sa pauvre mouchée-là, » dit l'un d'eux. « S'il y malade trop beaucoup, » reprit l'autre, « nous comptons porter lit pour bon cœur. »« Bien, mes amis, » répondit le jeune homme pendant que son compagnon ouvrait une petite pharmacie portative. « Je vous remercie, vous êtes de braves gens, et je vous récompenserai autrement. » »« Voilà qui est bizarre, » reprit le chirurgien improvisé. J'ai vu bien des blessures depuis que je bourlingue à travers bois, et bien, jamais je n'en ai trouvé de pareil à celle-ci. Comment cela ? Dame, cette plaie n'est produite ni par un coup de couteau, ni par une balle, ni par une flèche. La flèche troue et déchire, la pointe reste d'ailleurs assez souvent accrochée au tissu. Le couteau sectionne régulièrement, la balle contusionne fortement, et produit un extravasa violet autour de la solution de continuité. Cette blessure, au contraire, participe des 3 types sans se rattacher exclusivement à un seul. Il y a tout à la fois, section comme avec le couteau, déchirure comme avec la flèche et enfoncement comme avec la balle. L'extravasa amené par cette dernière manque seul. Bien que je n'ai jamais vu de plaie résultant d'un coup de défense, j'attribuerais volontiers cette singulière plaie à une de ces longues canines portées par certains animaux. Tu sais pourtant que sauf le pâtira et le cochon marron, les animaux du continent américain ne portent pas de défense. Qui sait ? Tout en parlant, le voyageur n'était pas resté inactif. Il avait prestement appliqué sur l'orifice béant une poignée de charpie imbibée d'eau phéniquée, recouvert cette charpie d'une compresse également humectée et assujetti son pansement par quelques tours de bande. Il passa ensuite un flacon d'ammoniaque sous les narines du blessé qui fit un brusque mouvement et entr'ouvrit les yeux. Il remua les lèvres comme pour parler, mais ne put articuler aucun son. Un faible cri de douleur lui échappa seulement quand les deux noirs hissèrent sur une traverse le hamac, avec d'infinies précautions pourtant. Les robustes porteurs se mirent en marche, précédés des deux Européens. Ils suivirent pendant quelques minutes le lit de la crique et aperçurent bientôt l'habitation décrite au chapitre précédent. Autant les travailleurs étaient calmes, lugubres même, 24 heures avant, autant ils étaient tumultueux au moment où le triste cortège déboucha sur l'esplanade. Les Noirs et les Hindous surtout semblaient frappés de vertige, presque de folie. Les Chinois piaillaient et vociféraient comme un clan de volailles effarées. Le motif de ce désordre n'était hélas que trop facile à expliquer. Les hommes partis en découverte avec le commis hollandais s'étaient bravement enfuis à l'aspect du corps inanimé du directeur. Leur retour opéré en déroute porta à son comble le désarroi régnant déjà parmi les travailleurs. Ce lieu était décidément maudit, puisque le blanc lui-même, en dépit des piailles tout-puissants que tiennent en réserve les hommes de sa race, avait été victime du maléfice. Le Bougeron fut absorbé à deux reprises par les fuyards, puis, l'émotion s'étant violemment répercutée sur leur estomac, ils voulurent boire encore. Ils firent appel au fonds secret et achetèrent la ration des Chinois. Cela ne suffit pas. Les Célestials possédaient encore quelques bouteilles enfouies dans le sol de leur carbet. Nouvelle transaction, suivie d'une quatrième et trop copieuse absorption. Les magots firent de brillantes affaires. Quelques noirs, abominablement gris, se mirent à danser. Un noir aime à ce point sa chorégraphie macabre qu'il danserait sur un volcan. Il n'y avait au placer qu'un vieux tambour en peau de cariacou. C'était trop peu. On trouva quelques caisses à sindou en fer blanc, et ces ustensiles primitifs, frappés à tour de bras, emplirent la grande vallée d'un charivari sans nom. Tous les nègres se mirent bientôt à gigoter frénétiquement. La sueur ruisselait, mêlée à l'écume sur leurs flancs haletants. Une odeur musquée, semblable à celle qu'exhalerait un troupeau de caïmans, se répandit dans l'air. La soif de ces enragés devint inextinguible. Un nouvel et pressant appel fut adressé aux Chinois. Leurs provisions étaient épuisées. Un coolie, qui dansait avec ses congénères la danse du tigre, n'en voulut rien croire. Il tenta de pénétrer dans la case d'un célestial. Mais John Chinaman, ne jugeant pas à propos de permettre cette violation de domicile, tira son couteau. L'hindou brandit son bâton. Disons à ce propos que tous les hindous sont d'incomparables bâtonnistes. L'on trouve toujours dans leur carbet quelques matraques qu'ils manient avec une dextérité singulière et dont ils savent se faire une arme terrible. Le Chinois ne put se servir de son couteau. Le gourdin du coulis s'abattit en sifflant, la lame jaillit à 10 pas, le bras retomba fracassé. Un second Chinois vint à la rescousse, son crâne rendit un son fêlé et le pauvre diable s'aplatit les 4 fers en l'air. Les Noirs crièrent bravo, mais les Chinois répondirent par une de ces clameurs terribles qui accompagnent la prise des jonques. Les humbles portefers redevinrent les féroces pirates qui ravagent l'océan depuis la mer Jaune jusqu'au golfe du Tonkin. La mêlée devint affreuse. Pendant quelques minutes, ce fut un pêle-mêle inouï de bonshommes de bronze aux prises avec des pantins de pain d'épices. Les têtes craquaient, les échines sonnaient, les bâtons volaient en éclats. Les longues tresses de cheveux des célestials fouettaient l'air comme des queues de cerf-volant pris dans une bourrasque. Les anneaux d'argent cliquetaient sur les membres de cuivre des coulis, ajoutés de mouvements insensés. Les chairs fauves criaient sous l'acier ou éclataient sous le bâton. Le gourdin eut pourtant raison du couteau. Une 12 douzaine d'hindous gisaient, il est vrai, éventrés sur le sol, mais 12 Chinois au moins, morts ou grièvement blessés, restaient enchevêtrés entre les chicots et les racines. Un acte stupéfiant de vigueur et d'audace acheva leur défaite. Un grand malabar, sec comme un fakir, mais possesseur de membres, qu'on eût dit tressés avec des cordes de métal, empoigna 3 magots chacun par leurs tresses, les attacha ensemble, les désarma et les garda prisonniers en les tenant hardés comme des chiens en laisse. « Donnez votre tafia » hurlait-il. Les pauvres diables poussaient, mais en vain, des cris à attendir les quartz de la vallée. « Ah, vous ne voulez pas !» continua le malabar, affolé de fureur. « Attendez ! Du feu ! Attachons-lui un arbre. Grignons-leur les jambes. Master John, tu cuiras jusqu'à ce que tu nous aies révélé l'endroit où tu caches ton tafia. » Cette horrible menace ne se réalisa pourtant pas. Au milieu du tumulte produit par cette lutte sauvage, la porte du magasin aux vivres se trouva ouverte on ne sait comment. Noirs, hindous, chinois, oubliant leur rivalité, s'y engouffrèrent. Les barils de bacalhau roulaient réventrés. Les merluches sèches jonchèrent le sol et emplirent l'air d'âcres senteurs de salure. Les tonneaux renfermant le couac eurent le même sort. Les pillards enfonçaient jusqu'à mi-jambe comme dans du sable, au milieu de la provision de tout un mois. Une tonne de tafia fut, et pour cause, l'objet de plus grands ménagements. Elle fut aussitôt roulée au dehors, installée sur un chantier improvisé composé de deux bûches et séance tenante percée d'un coup de forêt. Un géant bré s'échappa de ses flancs et s'épancha dans les couilles, des poêlons, des boîtes à conserve, des marmites. Le placeur tout entier était en proie au délire alcoolique. Le commis n'avait même pas essayé de lutter, c'eût été peine perdue et sa protestation eût pu lui faire courir un danger mortel. Le charivari, les cris, les danses reprirent avec acharnement. Les Chinois, chose unique sans doute dans les annales de l'émigration, trouvant l'occasion d'une bonbance gratuite et jugeant qu'il serait impossible de soustraire quelques centilitres de la liqueur incendiaire, s'emplirent comme de vulgaires éponges. Les deux blancs déboucha ce moment dans la clairière avec les noirs portant le blessé. Leur arrivée produisit l'effet d'une douche glacée sur tous ces crânes chauffés à blanc. Les Chinois, ivres, peut-être pour la première fois, continuèrent seuls leur gigue de magots détraqués, entremêlés de clameurs rappelant des carillons de cloches fêlées. Les nègres, mieux disciplinés et moins intoxiqués d'alcool en raison de la tolérance amenée par un long usage, se turent et rentrèrent dans leur case. Les coulis y avaient déjà disparu comme des fantômes de bronze. « Oh oh !» dit le plus jeune. « Il paraît que cela va mal, ou plutôt que cela va trop bien. »« Oui, c'est comme cela, » reprit son compagnon. Le maître est assassiné et l'on s'enivre. Traduction libre, quand les chats sont à la chasse, les souris dansent. Déposons tout d'abord notre homme en lieu sûr. Ah, voici sans doute son corps de logis. Il y a un lit, c'est parfait. Je vais installer à hauteur sur les tréteaux une baille remplie d'eau avec un tuyau pour arroser continuellement sa plaie. Tu as raison, nous tentons l'impossible, mais tant que la vie subsiste, il y a de la ressource. Dans tous les cas, nous aurons fait notre devoir. Pendant que les deux étrangers pourvoyaient à tout et se débrouillaient, comme disent les matelots, en hommes pour lesquels la vie d'aventure n'a pas de secret, le commis s'approchait et leur donnait en quelques mots et avec une émotion bien permise en pareil moment quelques renseignements indispensables. Ils apprirent le nom de M. Duvallon, qui leur était absolument inconnu. Quant au placeur réussite, dont ils connurent également la désignation, ils ne jugèrent pas à propos de faire valoir les droits qu'ils prétendaient avoir à sa possession. L'Hollandais se mit à leur entière disposition, en témoignant la douleur que lui causait la catastrophe dont son patron venait d'être victime et les appréhensions que devait produire l'effervescence des ouvriers mineurs. Il n'eut aucun motif, vrai ou faux, d'aminosité contre lui. Aucun. Il a toujours été très ferme et très juste et scrupuleux observateur de ses engagements. Bon. Nous n'avons rien à craindre pour lui de ce côté. Nos ivrognes vont cuver leur tafia, puis, s'ils ne veulent pas reprendre le travail, on les fera descendre à Cayenne. Avez-vous en caisse assez d'argent pour les payer ? J'ai très peu de numéraires, répondit le commis avec une certaine défiance. Du reste, la plupart d'entre eux ont reçu des avances considérables. Comme ils travaillent depuis 2 mois seulement, la somme à verser est insignifiante. Qu'à cela ne tienne, je payerai, j'en ferai venir d'autres. En attendant que M. Duvallon soit remis, nous ferons comme pour nous. L'appareil était installé. L'eau coulait en un filet mince et continu sur la poitrine du blessé, qui avait repris connaissance et dont les traits révélaient une vive expression de gratitude. Il serrait faiblement les mains de ses bienfaiteurs, mais n'essayait pas de prononcer un mot, le silence le plus absolu lui ayant été recommandé. Les deux voyageurs, après cette matinée si largement remplie, allait faire honneur à un frugal repas composé de cassave et d'une tranche de corned beef fraîchement extrait de sa boîte d'étain, quand des clameurs déchirantes retentirent dans la direction des cases. Il n'y avait pas à s'y tromper. C'étaient des appels désespérés qui n'avaient rien de commun avec les furibondes expressions de joie expectorées tout à l'heure par les ivrognes. Ils se précipitèrent vers la porte et virent une énorme colonne de fumée s'élever lourdement des trois côtés du carré occupé par les habitations des mineurs. Les minces galetages formant les murailles crépitaient, les toitures de Wai flambaient comme de l'étoupe. Tous les carbets étaient en feu. La flamme se propageait avec la vitesse d'un ouragan, dévorait en un clin d'œil les pauvres abris, se communiquait aux monceaux d'arbres abattus lors de l'installation et qui formaient une épaisse litière sur le sol que l'on n'avait pas eu le temps de désobstruer. De temps en temps, une sourde détonation dominait le ronflement de la flamme. C'était la provision de poudre d'un chasseur qui sautait. Les buveurs, surpris dans leur ivresse, affolés au milieu de cette mer de feu, couraient, les cheveux flambants, les chairs fumantes. Ceux qui tombaient ne se relevaient plus. Les malheureux que l'asphyxie avait épargnés étaient brûlés vifs. Quelques-uns réagissaient et parvenaient à s'enfuir, mais le plus grand nombre, alourdi par le tafia, incapable de se tenir debout, cuisait littéralement sur place sans pouvoir faire un seul mouvement. L'incendie va gagner les deux extrémités de la maison du directeur. Les deux blancs voient le danger. Ils s'arment chacun d'une hache. Leurs noirs les imitent et se précipitent, les uns à droite, les autres à gauche, pour faire la part du feu. Ils attaquent avec une vigueur surhumaine les poteaux de grignon et les poutrelles de moutouchi, tranchent les palissades en golettes, renversent des pans entiers de ces frêles murailles en bois. Le magasin flambe à son tour. Le couac pétille, les boîtes de conserve fondent, le sein d'eau coule en ruisseau de feu, les poissons secs crépitent. Toutes ces provisions si patiemment accumulées, l'unique espoir du lendemain, sont anéanties en un clin d'œil par la faute de quelques misérables ivrognes qui, vautrés dans son hamac comme un pourceau repu, aura imprudemment causé cet irréparable désastre. La famine, le fléau de la forêt vierge, sera l'inévitable conséquence de l'incendie. Les sauveteurs travaillent avec acharnement. Leurs efforts sont enfin couronnés de succès. Le dernier refuge du blessé est enfin sauvegardé. La part du feu est faite. Il est temps, car les vaillants travailleurs, aveuglés par la flamme, suffoqués par la fumée, courbaturés par cet effort de géant, sont à bout de force. Mais, quelle terrible surprise leur ménage encore l'implacable fatalité. À peine leurs doigts engourdis ont-ils quitté le manche de l'outil, à peine leur poitrine haletante a pu absorber une bouffée d'air pur, qu'une énorme détonation éclate soudain au sein des bois et se répercute en un long roulement de tonnerre. Le sol éprouve comme une violente secousse de tremblement de terre. Est-ce l'orage? Le ciel est en effet couvert depuis quelque temps d'un nuage aussi noir que la poix. Malheureusement, l'emplacement choisi par les propriétaires de la réussite pour les habitations est déplorablement placé dans un bas-fond enserré en entonnoir au milieu de petites éminences mamelonnées. On dirait le fond d'un puits immense. Il n'y a par conséquent aucun horizon. Le fracas de la détonation est bientôt suivi d'un ronflement sourd et continu qui, faible d'abord, s'accentue de plus en plus. Les toucans et les perroquets s'enfuient à tire-d'aile en lançant des notes éperdues. On entend loin le tapage produit par des arbres qui s'écroulent. Le bruit grossit et rappelle à s'y méprendre le halètement d'une rivière en mal d'inondation, bien connue de ceux qui ont été une fois en leur vie, surpris par les crues instantanées des fleuves géants du Nouveau Monde. Le plus jeune des deux blancs s'est hissé d'un bond sur la toiture. D'un coup d'œil, il embrasse la clairière. Une couche d'eau grise, limoneuse, envahit rapidement le terrain en exploitation. Dans 10 minutes, la case épargnée par le feu sera submergée. Les eaux s'élèveront de plus de 3 mètres au-dessus de ce bas-fond que calcine encore l'incendie. Il faut fuir, au plus vite. On a pu faire tout à l'heure la part du feu, mais l'eau est implacable. Le jeune homme va pourvoir aux moyens d'assurer le salut commun, sans oublier le blessé, quand il s'aperçoit avec désespoir que l'emplacement des cases est envahi tout entier circulairement. La retraite est coupée de tous côtés. L'habitation de la réussite n'est plus qu'une île. Bientôt ce ne sera plus qu'un îlot. L'eau, sortie de ses limites naturelles, s'avance toujours implacable, nivelant les dépressions et s'étendant au-dessus de tous les accidents de terrain comme une immense nappe avec sa désespérante et morne impassibilité. « Eh bien ?» demande froidement son compagnon au jeune homme, plus inquiet qu'alarmé. « Ma foi, mon cher, notre vieille terre guyanaise nous ménage une singulière réception à notre retour. Si nous n'avions pas subi jadis toutes les déceptions, couru tous les dangers et triomphé de tous les obstacles, je te dirais, mon vieil ami, nous sommes perdus. »